Nyx. Ô vous, mes nuits, ô noires attendues, ô pays fiers, ô secrets obstinés, ô longs regards, ô foudroyantes nues, ô vol permis outre les cieux fermés. Ô grand désir, ô surprise épandue, ô beau parcours de l'esprit enchanté, ô pire mal, ô grâce descendue, ô porte ouverte où nul n'avait passé. Je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Je ne sais pas de qui je suis la proie. Je ne sais pas de qui je suis l'amour.